Bien, je crois que savoir, Jean-Paul, oui. Que tu as fait une rencontre récemment. Tout à fait, Thibault. L'autre jour, je me promenais à avenue Georges V quand j'ai eu la chance de croiser Georges Clounet, qui sortait d'un café. Et là, autant bien tout de suite, j'ai été déçu. Mais déçu, il paraissait vieux, fatigué. Alors que dans Ocean Eleven, il est superbe. Alors pourquoi cette différence? Parce que le cinéma rend beau. Et c'est parce que le cinéma rend beau que je vais parler de lui. Rend beau. Silver Star Stallone. Ouais. Pantoufle Eye of the Tiger. Vous aurez reconnu la musique de ce super dessin animé de Walt Disney, Rox et Rocky. Alors tout d'abord, il faut savoir que Sylvester Stallone, ce n'est pas son vrai nom. Au début, il s'appelait comme tout le monde, à savoir Thibaut Marchand. Et il venait de Saint-Etienne. Oh là là. Non, pardon, je suis désolé, je me suis trompé de fiche. En fait, il venait du Puy-en-Velay. Ah, c'est mieux. Mais ça, il ne l'avouera jamais. Il ira même jusqu'à renier ses origines en ne faisant pas dans la dentelle quand il tapera sur ses adversaires. À ce sujet, je ne saurais que trop vous conseiller, et là, ce sera mon coup de cœur de la semaine, ce superbe reportage dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur Josiane. Une des dernières dentelières du Puy. Ces petits métiers qui un jour vont disparaître. Pour notre plus grand plaisir. Car le jour où il n'y aura plus de dentelière, il n'y aura plus de dentelle. Et sans dentelle, impossible de fabriquer les soutiens-gorge des petites culottes. Et toutes les filles se baladeront à poil. Vivement que Josiane, elle crève. Pardon. Non, quand je pense à Jean-Pierre Pernaut, je ris car... Certains font tout un pastis du fait qu'il serait de droite. Il n'est pas de droite, il est sur TF1, c'est tout. C'était la partie politique de ma chronique. Les élections approchent. Alors comment passer de Thibon Marchand à Sylvester Stallone? Oui, ça c'est une méthode. Ce n'est pas très compliqué, on fait de la muscu. Enfin, beaucoup de muscu. Alors, et d'abord, pourquoi ce nom Stallone? Parce qu'au petit, il tapait déjà sur tout ce qui bouge. Du coup, de point, à l'école, on le laissait seul dans son coin avec cette phrase qu'il marquera à tout jamais. Stay alone, stay alone. Qui deviendra Stallone avec le temps. Pas facile l'enfance des stars. À John Travolta, qui avait des tendances suicidaires, on répétait sans cesse « Staying alive, staying alive !» Et surtout le samedi soir, quand il avait de la fièvre. « Staying alive » qui sera l'un des premiers films que réalisera Sylvester Stallone, il n'y a pas de hasard. Et c'est vrai. Alors le choix du prénom Sylvester, Sylvestre en français, n'est pas non plus anodin. Que ce soit dans Rocky ou dans Rambo, les personnages incarnés par Stallone sont des losers que rien ne prédispose à gagner. Exactement comme Sylvestre, le gros minet, qui est prédestiné à toujours perdre face à Titi. En choisissant le prénom de Sylvester, il devient le porte-parole des petits. Et j'ai pas dit des titis. Et des sans-grades. Et il les venge. Et de quelle manière? D'après le Figaro, en 2015, Sylvester Stallone comptabilise dans ses films 539 décès, dont 318 par des armes à feu, et 136 consécutives à des explosions. À côté, Guy Georges est un enfant de cœur. qu'il aimait beaucoup, d'ailleurs. Oh. Pardon, une réaction sur Twitter, sur hashtag Pentext, de l'association des pédophiles de Meudon. Qui déplore la perte d'influence de l'église catholique, avec pour conséquence la diminution du nombre d'enfants de cœur. Ah. Effectivement, pédophile, encore un petit métier qui risque de disparaître. Gageons que Jean-Pierre Pernaut leur consacrera très bientôt un reportage. Alors au début, les débuts du cinéma de Sylvester Stallone sont laborieux. Il enchaîne des petits rôles, allant même jusqu'à accepter de tourner dans un film érotique pour des raisons alimentaires. Alors moi aussi, je suis prêt à accepter de tourner dans un film érotique, mais sans raison alimentaire, en tout cas pour bouffer autre chose. Je suis désolé. Sophie, si tu n'écoutes, en même temps, ça change de la cuisine de Cyril Lignac. Sylvester Stallone aura une longue traversée du désert. C'est d'ailleurs pendant celle-ci qu'il écrira l'histoire de Rocky Balboa, qui lui vaudra le succès. Il aura aussi pu profiter de cette traversée du désert pour faire le Paris-Dakar, ce qui lui aura permis d'allonger avec son 4x4 sur le sol la liste de ses victimes. En même temps, je dis ça, mais j'adore le Paris-Dakar. Surtout depuis qu'il se déroule en Amérique du Sud. Paris-Dakar en Amérique du Sud, eh oui. Les mecs, ils partent de Paris, ils prennent le bateau jusqu'à Buenos Aires, là ils font le tour dans le désert, ils reprennent le bateau pour traverser l'océan jusqu'à Dakar. C'est plus une course de voiture, c'est une transat. Transat, dans lequel je suis allongé pendant que j'écris cette chronique posthume, au bord de la piscine de mon hôtel, sur l'île de Sumatra, et que les fourrés sur la droite commencent à bouger doucement, laissant apparaître l'œil du tigre. Merci Jean-Paul.